cher Jonathan, il me vient une idée, partir avec toi. Droit vers l'océan, de l'Orient à Quimper, je nous y vois. S'envoler plus haut, regarder le monde pour ce qu'il vaut. Tous les goélands s'en retournent à la mer, ça va de soi. Un enfant qui meurt quelque part dans le monde plante une croix. J'ai le mal de foi à côtoyer l'immonde, mais ça ne se voit pas. Quelque part là-bas, de l'Orient à Quimper, pas d'autre choix. Tous les goélands s'en retournent à la mer, ça va de soi. Mon cher Jonathan, crois-tu qu'une prière puisse nous sauver? Mon cher Jonathan, il me plairait encore de rêver. Alors je m'en vais de l'Orient à Quimper, ça va de soi. Tous les goélands retournent à la mer et c'est comme ça. Il me plairait de l'Orient à Quimper, encore, pas d'autre choix. Tout d'avoir les un port de cette mort, ça va de soi. Droit, j'ai tant et tant de l'Orient à Quimper, pas d'autre choix. Tout les voilà goélands s'en retournent à la mer, ça va de soi. Vers l'océan,